Qu'est-ce que l'esprit? Où se situe-t-il? Comment l'observer, le saisir, le changer de support et lui permettre de continuer son évolution? Notre époque informatisée nous propose une comparaison simple entre un être vivant et un ordinateur. La matière, c'est le hardware, et l'esprit, c'est le software. Si l'on approfondit un peu, on constate qu'une grande partie du soft ou du cerveau consiste à recevoir et à envoyer des informations de ce hard. Capteurs de toutes sortes, les cinq sens et la gestion d'une multitude de muscles, l'esprit ou néocortex serait plutôt équivalent à la partie noble du soft. Les algorithmes de prise de décision et ce qu'on pense être notre libre arbitre. La complexification des centres de prise de décision a suivi les lois de l'évolution. Les meilleures stratégies ont survécu. Le monde complexe et variable a favorisé à un moment une espèce qui, par ses caractéristiques physiques, était plus adaptable que d'autres. Cette particularité lui a donné un avantage considérable sur toutes les autres et lui a permis d'accélérer son évolution qui est devenue culturelle. La société des fourmis, des rats ou des dauphins a été dépassée en termes de complexité. Et la prise de conscience a permis de commencer à parler de l'esprit. Prendre conscience, c'est-à-dire avoir la perception de sa propre existence. Est-ce réservé à l'humain? Un animal mourant ne sait-il pas ce qui va lui arriver? Alors que depuis que la vie existe, la mort lui succède automatiquement. Cela pour toutes les espèces, à toutes les époques. Alors que la survie est le moteur de l'évolution et l'unique but du vivant. Il est impossible que cela ne soit pas imprimé au plus profond de chaque être et avec une perception d'autant plus forte que le risque est présent au quotidien dans la faune sauvage. La différence est ailleurs. Il faut la voir au niveau de la communication. L'humain, à un moment de son évolution, s'est mis à échanger des concepts. La mise en commun de ceux-ci est la vraie prise de conscience. L'individu n'était plus isolé dans son cerveau. Il pouvait se relier aux autres et augmenter ses connaissances, les transmettre dans l'espace et dans le temps, partager le savoir et les mystères. L'humain avait acquis une capacité à prendre du recul. Ce fut le début des sépultures, puis des civilisations. Par analogie, on peut regarder l'évolution d'un bébé qui, partant d'un stade purement fonctionnel de développement, réussit en quelques mois à effectuer une prise de conscience de sa personne au travers des échanges construisant sa représentation du monde. Cette construction, programmée au plus profond de notre ADN, produit peu à peu la lucidité de notre existence, la différence entre notre moi et ce qui en est extérieur. Notre conscience est le résultat d'une construction de la complexité qui grandit pendant notre développement. Par opposition, la mort constitue une déconstruction rapide des conditions de fonctionnement de nos cellules qui génèrent la perte de notre conscience d'une manière irréversible. que suis-je? Si je me coupe un ongle, suis-je encore le même à mes yeux et à ceux de mon entourage? Si je me rase les cheveux, même question. S'il me manque un bras, une jambe, un rein, les yeux, l'ouïe, même question. S'il ne reste plus que mon cerveau, vivant, alimenté, connecté et communiquant dans un bocal, même question. S'il ne reste plus que l'esprit de mon cerveau dans une banque de données communicantes, même question. Pendant ce déshabillage, la question est encore de savoir s'il y a un saut qualitatif à un moment. Si je ferme les yeux, me bouche les oreilles, bref, me place dans un caisson d'isolation sensorielle, j'ai le sentiment d'être toujours moi. Mais en perdant les informations provenant de l'extérieur, je perds des possibilités d'évolution. Celles-ci ne peuvent plus puiser de ressources que dans mon univers intérieur, immense réservoir, mais n'étant plus alimenté, il finit par s'assécher. Pour conserver la conscience de soi et son libre arbitre, il faut au minimum une activité autonome du support de la pensée, ainsi qu'un accès bidirectionnel aux informations du reste du monde. J'ai la sensation que l'autre existe lorsque je lui parle au téléphone, alors qu'il n'est que la définition que je viens de donner. Créer un double informatique consisterait à analyser nos modes de raisonnement, à les transcrire en algorithmes et à les relier à un enregistrement de tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance. Même si une analyse psychologique permettait d'aller dans tous les recoins du cerveau, d'en traquer tous les ressorts, même si les progrès considérables en stockage d'informations pouvaient enregistrer une vie, même si on pouvait relier tout cela en recréant les défauts de fonctionnement, les oublis, les inhibitions à l'identique dans la réplique, on ne pourrait éviter la divergence. À l'instant où l'ovule fécondé se divise en deux groupes de cellules, formant des jumeaux parfaits, ces deux groupes sont déjà différents dans leur destin. Étant placés dans deux lieux différents de l'espace, ils subissent des contraintes différentes, sont nourris différemment, etc. Lorsqu'ils naîtront, les milliards de connexions faites dans leur cerveau auront déjà connu des milliards de différences aléatoires. Plus tard, leurs pensées, leurs décisions ne pourront être identiques, sauf par mimétisme. Leurs vies seront de plus en plus différentes. Ce raisonnement est également valable si une copie conforme pouvait être faite par téléportation, c'est-à-dire la reconstruction d'un siège de la pensée à l'extérieur du cerveau. Une pensée ne peut être définie que comme étant libre. Dès que sa copie est faite, elle diverge de l'original. Cette liberté est intrinsèque aux lois de l'univers. Elle est due à la complexité et aux théories du chaos. De plus, cette copie ne pourrait pas être faite instantanément. Pendant sa construction, l'original continue d'évoluer, ajoutant à la divergence de la copie. Figer l'original, c'est-à-dire arrêter son évolution, ce serait le tuer. Car comment le défiger ? l'extraction brutale de la pensée de son support s'avère donc impossible. En effet, en cas de téléportation, avec la reconstruction de deux répliques, qui pourrait prétendre être l'original? Mais qu'en serait-il d'une migration plus lente? En ajoutant des prothèses, le corps humain pourrait-il devenir bionique à 100%? Les réseaux de neurones informatiques, imitant leurs homologues biologiques, servent à étudier l'intelligence artificielle. Imaginons des connexions nerveuses avec ces réseaux. Si leur fonctionnement était compatible avec celui du cerveau biologique, pourquoi celui-ci ne pourrait-il pas les utiliser de la même façon, par exemple, qu'une aire nouvelle du cerveau est utilisée, après rééducation, lorsqu'une zone a été lésée accidentellement? Ainsi, au cours d'une nouvelle évolution, le support de la pensée pourrait changer de matériau. Le matériau mou, software, de notre cerveau glisserait progressivement d'un récipient dans un autre, celui-ci étant conçu par nous-mêmes. Ce point constitue la différence qualitative recherchée. En effet, les capacités de connexion, leur vitesse et leur possibilité d'échange avec l'extérieur ne seraient plus limitées par la biologie, mais par la technologie, sans commune mesure en termes de vitesse d'évolution. Ainsi, pourrait-on imaginer un avenir où des réseaux de cerveaux interconnectés constitueraient une pensée globale, créant l'esprit, suprême niveau de complexité de l'humanité ?